Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où aujourd'hui, pour cette journée spéciale sur France Culture, nous vous proposons de découvrir le débat enregistré à la Sorbonne samedi 13 avril, Europe, rêve ou cauchemar démocratique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Sorbonne pour une journée spéciale organisée par France Culture. Et si tout se jouait le 26 mai, Europe, le moment de vérité, alors à quelques semaines de ces élections, entre le Brexit, la montée des populismes et des tensions géopolitiques à l'Est, le moment est venu, durant cette heure, d'interroger cette fameuse expression de déficit démocratique dont pâtit l'Europe et de s'interroger plus largement sur ce que l'on entend et attend de la démocratie, terme déjà problématique en soi et qui plus est à l'échelle de l'Europe. À 28 pays, éloignés par des milliers de kilomètres, la démocratie peut-elle et doit-elle s'ancrer dans une identité, une origine ou un projet commun ? Qui, pour être au pouvoir, vouloir et gouverner quand on parle de plus de 500 millions d'individus, la démocratie peut-elle se passer des nations ou d'États? Comment, autrement dit, penser, réactualiser et réaliser ce qui évoque au mieux une douce utopie de l'après-guerre, au pire, la hantise d'être aliéné à une puissance fantôme, illégitime, technocrate, complexe et inaccessible? Faut-il imaginer, élargir ou carrément abandonner la possibilité d'une démocratie européenne? Eh bien, pour répondre à ces questions, trois invités à mes côtés. Patrice Maniglier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Vient tout juste de paraître des entretiens avec le journaliste Philippe Petit, La philosophie qui se fait aux éditions du CERF. Céline Spector, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université, ici même, donc, et l'on vous doit notamment sur cette question de l'Europe, penser l'Europe au XVIIIe siècle, aux éditions Oxford, et dans quelques mois, un ouvrage au seuil sur l'Europe, sur cette question européenne. Et enfin, Bernard Guetta, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On vous connaît comme journaliste, spécialiste de géopolitique, vous êtes ancien chroniqueur de France Inter, vous êtes désormais candidat de la liste Renaissance aux élections européennes. On peut lire de vous, qui vient de paraître aux éditions Flammarion, l'enquête hongroise, puis polonaise, italienne et autrichienne. Alors je rappelle que l'intitulé de ce débat est assez simple, l'Europe, rêve ou cauchemar démocratique. J'ai évoqué l'Europe, j'ai parlé de la démocratie, je vous pose à tous les trois la question assez frontalement. L'Europe sonne-t-elle pour vous comme un rêve ou comme un cauchemar pour la démocratie ? Patrice Maniglier ? En fait, un cauchemar, c'est un rêve. Un rêve qui tourne mal. C'est un rêve qui tourne mal, mais si Freud a raison, c'est aussi l'expression d'un désir, d'une certaine manière, et d'un désir contrarié par ce qu'il appellerait des refoulements. Alors, je ne vais pas filer la métaphore trop longtemps, mais j'ai l'impression effectivement que, d'abord, mais peut-être Céline Spector y reviendra, il faut dire assez clairement que la construction européenne, je ne parle pas de l'Europe comme entité spirituelle, culturelle, ça, mais la construction européenne ne s'est pas faite sur des bases démocratiques, elle s'est faite sur des bases, disons, technocratiques, on va dire, en fait, en essayant de contourner autant que possible la volonté des peuples. Bon, on sait maintenant, avec la publication des mémoires de Jean Monnet, bon, et puis les études des historiens, le disent, les différentes traditions qui sont à l'origine de la construction européenne sont plutôt des traditions nées du constat de l'échec du parlementarisme dans les années 30 et une grande méfiance à l'égard de la capacité du personnel politique et aussi des peuples à dépasser les contradictions et les impasses aussi qui permettraient d'éviter la guerre, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est déjà un point de départ important, je pense, historiquement. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est anti-démocratique, ça veut dire simplement que dans l'histoire en général, je dirais les institutions étatiques précèdent la constitution des démos, des peuples, capables effectivement de s'en emparer. Bon, l'histoire de la France en est un bon exemple. L'État français a d'abord été constitué sur des bases pas démocratiques. Et en fait, ce que c'est qu'un la démocratie, c'est une reprise, parfois violente, de ces institutions, et c'est à ce moment-là que se constitue quelque chose comme un peuple, un démos. Bon. Alors on est à un moment aussi d'élection parlementaire, du Parlement européen, c'est un peu le contexte dans lequel on parle. Alors il faut savoir tout de même que ces élections désignent un Parlement, mais que le Parlement européen n'est pas à proprement parler un Parlement au sens de la tradition parlementaire. Il y a plein de prérogatives qu'il n'a pas. En fait, il a très peu de pouvoir. Déjà, par exemple, il n'a pas la capacité d'initier la loi. Donc, il vient à la fin. Il veut éventuellement rectifier deux, trois choses. Il n'a pas non plus la maîtrise du budget, ce qui est quand même une propriété des parlements. Bon, donc c'est vrai que je comprends la difficulté que les gens ont à identifier l'élection du Parlement européen avec quelque chose qui serait l'équivalent, disons, d'une démocratie parlementaire. Alors, bien sûr, il y a eu quelques avancées. Par exemple, le président de la Commission doit maintenant être le chef du parti majoritaire au sein du Parlement européen. Mais c'est plutôt une affaire de visibilité. C'est pas véritablement une question de pouvoir. Dans la Commission, bah, il y a plein de gens qui appartiennent à des entités. Il n'y a pas de majorité et d'opposition, si vous voulez, dans la politique européenne. Sans compter que l'essentiel du pouvoir européen est un petit peu ailleurs. Donc voilà, on a un ensemble de difficultés à la fois historiques et institutionnelles qui fait que, oui, c'est difficile de parler d'une démocratie européenne. Alors, et c'est ce dernier point, que évidemment l'Europe et la construction européenne a des puissances très grandes. Et notamment, par exemple, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a été, par exemple, au moment de la crise grecque, le principal acteur, en vérité, du renoncement par le gouvernement grec à, disons, son projet, puisqu'elle a empêché le refinancement des banques auprès d'elle, sortant d'ailleurs peut-être de son mandat. Et donc, elle n'est absolument pas élue, elle est contrôlée par aucun État, etc. Donc, c'est là où on entre dans la question du cauchemar, hein, c'est-à-dire on a des institutions au sein de l'Europe qui ont un pouvoir immense et n'ont aucun contrôle. Et c'est volontaire, c'est une décision des États dans leur histoire. Céline Spector, rêve, oui, ou cauchemar pour la démocratie, l'Europe? Alors, bon, on a toujours envie, un peu en tant que philosophe, de déconstruire des oppositions très binaires. Je crois qu'il y a plusieurs manières de le faire, historiquement, philosophiquement et politiquement. Historiquement, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté, et c'est très juste, hein, sur le fait que la construction européenne s'était faite à un moment très précis de l'histoire, après les drames, tragédies même de la Seconde Guerre mondiale, où on a voulu tout d'abord assurer la paix. Et assurer la paix, ça supposait réconcilier la France et l'Allemagne et donner à l'Allemagne la possibilité de produire sans craindre le réarmement, ce qui était évidemment la grande crainte de la France. Pour ça, on a construit l'Europe tout d'abord comme un outil technocratique pour assurer la coordination économique. Point. Et évidemment, dès le début, hein, les pères fondateurs, entre guillemets, comme Jean Monnet, Robert Schuman, et il y en a d'autres, avaient l'idée que par une méthode dite fonctionnaliste, la construction économique allait produire mécaniquement, quasiment, un fédéralisme politique, c'est-à-dire des institutions supranationales. Et dès le début, on a cette idée qu'on va avoir une haute autorité, en effet, à l'abri des pouvoirs parlementaires, qui deviendra peu à peu la Commission européenne. Alors, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec ce constat. Mais je crois qu'il faut être très prudent. Parce que, outre cela, il y a d'autres influences très profondes qui ont agi sur la construction européenne historiquement. Et notamment le fédéralisme des résistants italiens, qui est fondamental pour comprendre la mise en place des premières institutions européennes. Et là, de ce côté-là, on a des vrais démocrates, si j'ose dire, des gens qui pensent le démos, qui sont très fervents d'une démocratie au sens où Spinelli, hein, qui est un artisan fondamental, dont la fille siège encore au Parlement européen. Donc on a vraiment plusieurs lignées, et je crois qu'il faut éviter d'être monolithique, hein, sur l'histoire de la construction européenne. Alors philosophiquement, c'est là aussi que c'est très intéressant, qu'est-ce qu'on reproche, à l'Europe quand on dit qu'elle est atteinte d'un déficit démocratique? Alors on reproche en général non seulement l'opacité, non seulement la complexité, non seulement le gouvernement des experts et des juges, mais on reproche plus profondément à l'Europe le fait qu'il n'y a pas de démos européen. Il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen. Et donc, c'est une thèse qu'on entend sans cesse. Puisqu'il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Mais je pense très sincèrement, et tu allais d'ailleurs déjà dans ce sens, qu'il s'agit d'un pur sophisme. Il s'agit d'une erreur historique, puisque tous les États-nations se sont constitués très progressivement, avec au départ des identités locales, des identités régionales, qui ont peu à peu été, parfois très douloureusement, absorbées par un État central. Hein, on connaît le cas de la France. L'identité linguistique de la France, elle s'est faite très progressivement. De la même façon, les poids et les mesures, les coutumes juridiques étaient très différentes en France avant la Révolution française. Donc il ne faut pas mythifier l'idée du peuple, réifier l'idée du peuple et imaginer que le peuple surgit d'une fois, comme ça, tout armé de la cuisse de Jupiter. Donc, il me semble que ça, philosophiquement, c'est très important. Un peuple se construit dans la durée et il y a un peuple européen s'il y a des institutions qui le constituent, un espace public, une culture politique. Évidemment, ça n'est pas un peuple ethnique, c'est un peuple civique. C'est un peuple qui est attaché à l'état de droit, qui est attaché à des valeurs fondamentales et c'est pas un peuple qui est attaché par une culture homogène. Donc il faut bien sûr distinguer la question de la culture homogène et celle de la culture politique. Et troisièmement, politiquement, il me semble qu'on aurait tort de considérer que il faut reproduire au niveau européen les mêmes mécanismes démocratiques que ceux qu'on connaît au niveau national. Alors c'est ce que j'appellerais le mimétisme, hein, on dit aussi parfois le statocentrisme. Il faut penser la démocratie européenne et la légitimité démocratique de manière différente. Et en particulier, il faut bien penser que si les États se coordonnent, ils vont pas se coordonner comme des individus au sein d'un peuple ou au sein d'un gouvernement. Et donc, il me semble que la montée en puissance du Parlement européen, qui est élu au suffrage universel depuis 1979 et qui a de plus en plus de pouvoir, est plutôt effectivement un signe de démocratisation. Alors, il est vrai, hein, et c'est toujours ce qu'on reproche à l'Europe, qu'il y a de puissantes agences qui sont apolitiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, la BCE notamment, mais aussi la Cour de justice de l'Union européenne, qui prend des décisions fondamentales. Mais la question qu'on doit poser, c'est finalement, est-ce que nous, au sein de l'État français par exemple, nous n'avons pas de puissantes agences indépendantes ? Toutes les banques centrales sont indépendantes. Alors, il est vrai que la BCE a des garanties d'indépendance qui sont un peu supérieures à la nôtre, mais dans tous les États développés, les banques centrales, aux États-Unis c'est le cas évidemment, les banques centrales ont des garanties d'indépendance pour pouvoir assurer la stabilité de la monnaie indépendamment des pressions politiques. Donc je crois que ce serait vraiment, très injuste que de reprocher à l'Europe ce que nous avons aussi au niveau national. Est-ce que notre démocratie est parfaite à l'échelle nationale ? Selon quels critères, selon quelle image de la démocratie pouvons-nous le dire ? Alors on pourra revenir, Céline Spector, sur cette idée de formation d'un peuple qui ne se fait pas de manière magique avec une association européenne. On pourra peut-être vous objecter tout à l'heure que ce peuple européen tarde à voir le jour et que précisément des peuples en Europe contestent le fait de se sentir européen. Et puis on pourra aussi revenir sur le fait de cette critique de la démocratie à l'échelle européenne qui certes ferme peut-être les yeux d'une certaine manière sur une démocratie nationale, mais puisqu'on est en train de construire l'Europe, c'est le moment de se poser les questions de ce qu'on veut ou pas à l'échelle européenne et qu'on peut faire ces critiques-là à l'échelle européenne puisqu'on ne peut pas les faire à l'échelle nationale puisque les choses sont ainsi. On pourra en reparler. Avant ça, Bernard Guetta, à vous la parole sur cette Europe démocratique, rêve ou cauchemar. Je vous dirais d'abord que ça fait du bien, un journaliste devenant possiblement député, on verra le 26 mai, de se trouver avec des philosophes. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la presse et dans le monde de la politique, on n'entend pas aussi spontanément, rapidement et en toute bonne foi, affirmer ce qui est pourtant une évidence fondamentale et qui me fait chaud au cœur, celle que vous venez d'affirmer l'un et l'autre, à savoir que les peuples ont été constamment dans l'histoire la création des États. C'est vrai de la France, vous l'avez l'un et l'autre rappelé, mais c'est vrai, souvenons-nous-en, de l'Allemagne et de l'Italie. L'unité allemande et l'unité italienne datent du XIXe siècle. Il n'y a pas deux siècles. Et ces unités, par parenthèse, sont encore assez relatives. Peut-être pas dans le cas de l'Allemagne, encore que, mais certainement dans le cas de l'Italie. Donc merci à l'un et à l'autre, ça fait du bien. Maintenant, venons-en à votre question. Rêve ou cauchemar ? Pour moi, ni l'un ni l'autre. Pour moi, l'unité européenne, je préfère dire l'unité ou la construction européenne que l'Europe, parce que l'Europe, c'est autre chose, c'est un continent. Ce fut d'abord un impératif qui s'est imposée à moi il y a longtemps. Je veux dire par là pendant l'hiver 1988-1989, alors que j'étais à Moscou, correspondant du Monde, dernier correspondant du Monde en Union soviétique, et que je voyais se défaire non pas l'Empire soviétique qui s'était étendu jusqu'en Europe centrale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, car pour moi c'était une évidence depuis un bon moment. Mais je voyais se défaire l'Union soviétique elle-même, c'est-à-dire l'empire constitué par les tsars depuis un bon petit moment. Et à ce moment-là, à Moscou, je me suis dit, mais si ces communautés européennes, auxquelles je dois vous le dire, je m'étais fort peu intéressé jusque-là, ne se constituent pas en un ensemble politique solide, où va le continent européen et donc où va le monde s'il n'y a pas ce pôle d'arrimage? Et c'est là que l'unité européenne devient pour moi une obsession, puis un combat de journaliste et maintenant de candidat et je l'espère demain de député, ça on verra. Pourquoi? Bien parce que je voyais en Europe centrale, je connaissais un peu l'histoire, la géographie, les changements de frontières. Je voyais, dès lors que la guerre froide était terminée, le partage du monde, etc., ben je voyais se rouvrir une multitude de fronts oubliés. Mais aussi, dans l'Empire des Tsars, devenu l'Union soviétique. Staline, les Tsars d'abord, mais surtout Staline, avait joué avec les frontières d'une manière, disons-le, diabolique. Plaçant systématiquement à l'intérieur des grandes républiques constitutives de l'Union soviétique des minorités avec des républiques autonomes ou des régions autonomes afin de diviser pour régner depuis Moscou et depuis son bureau du Kremlin. Dès lors que l'Union soviétique éclatait, est-ce que ces frontières totalement artificielles allaient pouvoir tenir? Elles n'ont pas tenu en Géorgie. Elles sont menacées dans à peu près tous les États sortis de l'Union soviétique. Et puis, les années ont passé, on en arrive, je fais un grand bond, on en arrive à cette année, ou en tout cas aux années qui ont suivi 2016 et l'élection de Donald Trump. Et quand on regarde maintenant l'Europe, au cœur du monde, on voit à l'ouest des États-Unis, ceux de Donald Trump, certes, mais il est là, qui nous déclare, premièrement, que le parapluie américain se referme, et deuxièmement, ce qui est sans doute au moins aussi grave, tout aussi grave, que le président des États-Unis considère, il nous l'a déclaré, que la Constitution de l'Union européenne a été faite pour concurrencer l'économie américaine. C'est-à-dire qu'il nous dit, vous êtes un concurrent, donc un adversaire. Il faut l'entendre, il faut le savoir. Monsieur Poutine, à l'Est, considère évidemment que l'unité européenne est un frein aux ambitions et à la puissance russe. Mais à la puissance russe, pas seulement celle de maintenant, à la puissance russe séculaire. Évidemment, puisqu'il ne peut plus jouer sur les divisions des puissances de l'Europe occidentale. Monsieur Poutine, accessoirement, quand même, entretient une guerre, une vraie guerre, en Ukraine orientale, c'est-à-dire au cœur du continent Europe. Nous avons au sud, évidemment, les chaos des mondes non seulement arabes, mais perses, turcs et africains. Nous avons évidemment une concurrence économique extraordinairement violente, celle de la Chine, empire renaissant. Et je me dis aujourd'hui que non seulement le monde a besoin d'un point d'arrimage, mais que nous, Européens, avons vraiment besoin, et plus que jamais, de notre unité pour résister à ce qu'il faut bien appeler des menaces, ou en tout cas de formidables incertitudes. Alors maintenant, la question de la démocratie. Il y a deux manières de se la poser, et je me la pose de ces deux manières. La première, c'est de se dire, mais enfin, nom de Dieu, pour ne pas dire, mais enfin, merde, ça suffit, ces histoires de déficit démocratique dans l'Union européenne. Parce qu'enfin, si on regarde les institutions européennes, il y a quoi ? Il y a une chambre des États qui s'appelle le Conseil européen, qui réunit l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement des États constituant l'Union, dirigeants démocratiquement élus dans l'ensemble de nos pays. C'est ce Conseil européen qui fixe toutes les grandes lignes, bonnes ou mauvaises, souvent mauvaises à mes yeux, mais qui fixe absolument démocratiquement toutes les grandes lignes économiques et politiques de l'Union européenne. Il y a une Commission européenne qui est faite pour veiller à l'application des traités que nous avons signés, que nos gouvernements démocratiquement élus ont signés, et pour mettre en application les politiques décidées par le Conseil européen. Et il y a un Parlement qui représente l'ensemble de la population pan-européenne, proportionnellement, évidemment, aux populations des différents États constituants. C'est-à-dire quoi ? Nous avons, comme dans tout État fédéral ou néo-fédéral, une Chambre des États où le plus petit comme le plus grand des États est représenté sur une base égalitaire. Au Sénat américain, 2 sénateurs par État. Au Sénat, parce que le Conseil européen, c'est notre Sénat, 1 représentant par État, et puis le Parlement, qui est l'exact équivalent de la Chambre des représentants aux États-Unis. Alors, est-ce que ça, c'est une absence de démocratie ? Est-ce que ça, c'est la prison des peuples ? Est-ce que ça, c'est une dictature ? Bah, la première réponse est non. Mais il y a une deuxième réponse, qui est oui. Et qui est oui, pourquoi ? Pour une raison fondamentale. C'est que, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, mais je ne vais pas m'étendre maintenant, ces institutions ne sont pas comprises du tout par les populations européennes. Et évidemment que dès lors que les institutions ne sont pas comprises, on ne peut pas parler d'une démocratie au sens plein du terme. C'est précisément la question que j'allais vous poser, Bernard Guetta, à savoir, vous avez parlé de la démocratie comme importance de la démocratie à l'échelle européenne d'un point de vue international, et puis d'un point de vue de son fonctionnement très concret institutionnel, mais effectivement la question qui se pose avec le déficit démocratique, qui n'est pas du tout une expression vide ou quelque chose qui revient et qui serait dangereux, mais plutôt quelque chose à entendre, qui est que ces institutions-là, elles ne sont pas comprises, elles sont éloignées. Et je vous voyais Patrice Maniglier dire non de la tête à une des interventions de Bernard Guetta. J'ai remarqué aussi. Justement sur ce fonctionnement d'institutions démocratiques qu'on appelle démocratie, mais qui ne semble pas démocratique, car il n'y a plus rien du démos, du peuple, dans ces institutions. Oui, non, je disais non sur la question du Parlement. C'est-à-dire, le Parlement, c'est quand même pas la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, le législateur, disons, américain, a un pouvoir absolument considérable. Bon, on peut pas dire aux gens, ce serait une fake news, de leur dire que le Parlement, c'est la même chose. Il faut vraiment, moi, je pense que c'est très important. Il faut arrêter de raconter des salades aux gens. Il faut leur dire quelle est la situation. Et à partir de là, comme le disait Éric De Luca, du courage. Donc, il faut faire quelque chose, et on peut pas se contenter de dire tout va bien. De même que je ne pense pas du tout que la BCE soit dans la même situation que la Réserve fédérale américaine. Là, il y a un rapport très étroit entre le pouvoir politique et la banque. Bien sûr, il y a un certain nombre, c'est pas complètement confondu, mais on sait bien, et c'est là où je, à vrai dire, je pense que c'est quand même le grand problème aujourd'hui, en tout cas dans l'analyse que j'en fais, on sait bien que c'est, pour la banque centrale, ça a été construit en fonction d'une certaine idéologie, qui est l'idéologie ordo-libérale allemande, enfin disons, on va dire, de langue allemande, parce qu'elle n'est pas exclusivement allemande, qui justement défendait une totale autonomie de l'autorité monétaire sur le politique, avec un seul objectif pour cette banque, qui est la stabilité monétaire. Pour la banque centrale américaine, il y en a d'autres, par exemple, effectivement, disons, des objectifs de politique économique et pas uniquement de stabilité monétaire. Donc je ne suis pas économiste, mais je pense qu'il faut dire aux gens quelle est la situation réelle, tant sur l'histoire que sur le présent. Voilà. Sur l'histoire, il faut dire que le projet européen n'est pas un projet qui est d'abord démocratique. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais c'est très important. Alors, le point central, à mon avis, je crois qu'en fait, je ne pense pas du tout que l'Europe était vouée, si vous voulez, par nature, à être une institution non démocratique. Mais que ça n'était pas son intérêt, ça n'est pas son ça dépend, c'est vrai que les fédéralistes italiens, Spinelli, lui, effectivement, avait comme projet véritablement un modèle fédéral sur le modèle, en fait, d'ailleurs, des États-Unis d'Amérique. Bon, mais je pense qu'il s'est surtout passé quelque chose, qui est que le monde, à partir de la fin des années 70 et dans les années 80, est entré dans ce qu'on appelle les politiques néolibérales ou dans une grande phase de mondialisation. C'est-à-dire, en fait, d'ouverture des frontières, de différentes manières. Bon. Or, qu'est-ce qu'était l'Europe d'après 45? Elle s'était identifiée, y compris philosophiquement, non plus comme l'Europe de la chrétienté, ce qui était le premier projet européen, ni non plus l'Europe des Lumières, que Céline Spector connaît très bien, et qui, d'une certaine manière, a buté sur des grandes impasses, je veux dire le nazisme au sein de l'Europe, la colonisation, la Première Guerre mondiale, on faisait référence à Paul Valéry tout à l'heure, et on pourrait dire aujourd'hui maintenant le réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'idée de progrès même rencontre des limites. Donc je pense que cette idée d'Europe, effectivement, était discréditée. Et l'Europe actuelle, dans son concept, est fondée sur l'échec, en fait, de ce concept, disons, progressiste de l'Europe. Alors qu'est-ce qu'était l'idée de l'Europe qui s'est fondée? C'était justement une Europe du dépassement des frontières. Mais à partir du moment où le dépassement des frontières est à l'agenda mondial, évidemment, l'Europe a changé de nature. Pourquoi? Parce qu'elle était censée être ce qui nous protège, d'une certaine manière, y compris de nos démons. Et elle est en fait devenue, en tout cas, elle est perçue comme ça, et pas que par erreur. Il ne suffit pas d'éduquer les gens. Il faut aussi les entendre, en fait, parce qu'ils ont peut-être des parts de vérité. Elle est perçue comme, en fait, un relais de ces politiques néolibérales qui les exposent au marché mondial, à la concurrence généralisée, des individus, des entreprises, des États. On peut quand même pas nier que le président de la Commission européenne est l'ancien Premier ministre du Luxembourg, c'est-à-dire la personne qui est responsable du plus grand programme d'optimisation, voire d'évasion fiscale de toute l'histoire. Donc c'est normal qu'il y ait un malaise. C'est normal qu'il y ait un malaise. Donc je crois que notre responsabilité, parce que je me sens justement responsable, au sens où j'ai l'impression qu'il faut répondre à cette interpellation Europe. Qu'est-ce que vous faites de ça? Et donc moi, je me sens tout à fait responsable. Mais pour ça, il faut effectivement s'engager. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de dilemme, parce que on espérerait qu'il y ait un peuple civique européen, mais on a du mal à le constituer. Enfin, on a du mal à le voir. Il n'y a même pas de revue. La langue de l'Europe est la langue d'un pays qui sort de l'Europe. C'est l'anglais. Bon. Donc, on a un problème. Et si on veut agir par le seul levier qui est véritablement un levier de puissance aujourd'hui, c'est-à-dire les États, on va nous reprocher de diviser. Donc, moi, très franchement, je pense qu'il faut oser. Alors, qu'est-ce que vous voulez oser, Patrice Maniglier? Je pense qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui s'installe en France, parce que je pense que la France est le seul pays qui a la possibilité de mener une négociation dure, en particulier avec l'Allemagne, pour dire, en fait, de cette Europe ordo-libérale, nous n'en voulons pas. Donc, la question de l'Europe, de la constitution du peuple européen, ne vous intéresse pas en tant que telle? Si, ça m'intéresse. Mais je pense que le peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'existe que dans sa division. L'espace civique européen, c'est pas un espace de consensus. Toute démos et tout peuple est un lieu de débat, de discussion, de division, au risque de sa division. L'helléniste Nicole Loro avait écrit de beaux livres jadis, justement sur la fondation de la démocratie athénienne, qui était en permanence au bord de la division. Je pense qu'aujourd'hui, il faut diviser l'Europe. Mais elle n'est pas déjà divisée? Elle n'est pas bien divisée, puis non, elle n'est pas véritablement divisée. Il faut diviser l'Europe pour l'Europe. Il ne faut pas la diviser pour construire des souverainetés nationales. À l'intérieur. Une Europe qui serait juste un territoire. Voilà, il faut la diviser en disant, on a un débat politique entre tous les Européens, mais il ne peut être porté que, en vérité, par des États. En fait, il n'y a qu'un État qui est susceptible de le faire aujourd'hui, c'est la France. C'est la raison pour laquelle, moi, effectivement, je souhaiterais plutôt un gouvernement en France élu qui soit capable de porter ce projet. Donc, dans ce que je voulais vous dire, Patrice Maniglier, quand je vous disais, vous oubliez la question du peuple européen, c'est que pour vous, c'est plutôt une force politique qui doit émerger de l'Europe et la porter vers un idéal démocratique avant de penser la démocratie en termes de peuple. Oui, qui s'adresse au peuple européen. C'est-à-dire, si le gouvernement français aujourd'hui s'adresse aussi au peuple européen en disant, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça, et qu'il fasse ce qu'il faut, ce qu'il peut, parce que c'est un risque. Ce qui peut se passer, c'est que l'Allemagne dise, OK, les gars, on n'a pas besoin de vous. Et ça, ce serait la grande catastrophe. La grande catastrophe, c'est la reconstitution d'une hégémonie allemande, disons, dans l'Europe. Et ce serait le retour de ce que l'Europe a cherché à éviter. Donc, évidemment, on voudrait pas ça. Mais si on ne fait rien, il faut quand même être bien conscient que la révolte est quand même imminente. Les démons de l'Europe sont quand même de retour. Et donc, il faut être très, très, très inquiet, je crois. C'est l'inspecteur. Oui, alors je partage totalement le diagnostic pessimiste sur la situation européenne aujourd'hui. Sur les démons, sur l'inquiétude que nous avons à avoir à l'égard des mouvements populistes, sur le fait qu'il faut prendre ça extrêmement au sérieux et sur le risque de l'hégémonie allemande. Mais je suis plus pessimiste en ce sens que Patrice Maniglier, c'est-à-dire que je pense que, en effet, l'Europe a été fondée depuis l'origine pour éviter le retour de l'hégémonie allemande et qu'on n'a pas pu l'empêcher. Et je pense que c'est trop tard. C'est-à-dire que, pour un petit moment du moins, ce point-là, il faut faire avec. Donc ça, c'est l'analyse qu'on pourrait dire critique et géopolitique. Mais je voudrais me placer à un autre niveau, qui est celui de la philosophie des institutions. Parce que c'est peut-être là que je suis vraiment en désaccord. Je pense qu'il faut distinguer, disons, l'analyse des rapports de force européens, et elle ne nous est pas favorable aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que l'Allemagne tient l'Europe, ça c'est une réalité. Et puis l'analyse de ce que nous pouvons espérer des institutions européennes et de leur fonctionnement, et de la philosophie qui les sous-tend. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est une association des peuples. C'est-à-dire que c'est un contrat social européen qui prétend reproduire à l'échelle, voilà, des nations, ce que nous avons conçu au niveau des peuples. Et toute la question est de savoir quel modèle de démocratie nous voulons pour cette Europe, qui est post-nationale. Donc il faudrait imaginer une nouvelle forme démocratique à l'échelle européenne. Il ne faut pas forcément la rêver, je ne crois pas du tout que ce soit une utopie. Je crois qu'on a des modèles qui sont parfaitement disponibles. Habermas est sans doute le plus grand penseur de l'Union européenne aujourd'hui. Il a proposé un modèle d'association et de contrat social qui me paraît parfaitement cohérent, qu'on peut résumer de la manière suivante, l'idée d'un peuple constituant européen qui, en quelque sorte, constitue le contrat social deux fois, une fois en tant que membre des États. Et là, c'est le Conseil européen que vous disiez. On élit démocratiquement nos gouvernements et ils siègent au Conseil. Et une deuxième fois, nous sommes simplement citoyens des peuples européens et nous élisons le Parlement. Alors évidemment, le statut de la Commission est un peu plus complexe dans ce dispositif, mais on peut parfaitement le restituer philosophiquement. Donc je crois qu'il faut faire attention de ne pas confondre la corruption des institutions européennes et sa réalité. Et moi je viens d'un philosophe du XVIIIe siècle qui est Montesquieu, et c'est ça qui nous apprend. Il nous apprend à penser l'idéal type de la démocratie et sa corruption. Et si nous sommes aujourd'hui dans une situation de corruption, il faut essayer d'en identifier les causes, essayer de voir ce qu'on peut réformer, si c'est encore possible, mais il ne faut pas jeter la démocratie européenne sans laquelle nous ne sommes rien. Enfin, c'est un fantasme total d'imaginer que le retour à l'État-nation va nous permettre, dans le monde que vous décriviez, des menaces, des incertitudes, de résister à quoi que ce soit. Enfin, c'est un pur fantasme. Oui, mais c'est l'inspecteur, le problème, c'est que l'idéal type de la démocratie à l'échelle européenne n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une corruption, d'un idéal type de la démocratie européenne. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur cet idéal type de la démocratie européenne. Et ça, c'est ça l'enjeu d'une discussion philosophique autour de l'Europe comme démocratie aujourd'hui. C'est qu'on ne sait pas sur quoi s'accorder. Et que le véritable problème aussi, c'est que on ne sait pas pourquoi on devrait en parler. Parce que les individus dans l'Europe, et je parle dans l'Europe à dessein et pas dans l'Union européenne forcément, ne se sentent pas proches de cette question-là, ne se sentent pas concernés par ce concept de démocratie à l'échelle européenne. Mais je crois que, en fait, il faut rendre la chose plus intéressante. C'est-à-dire qu'il faut la rendre aussi plus culturelle et pas seulement strictement institutionnelle. Il ne s'agit pas seulement du design, c'est-à-dire on va montrer, voilà, la Commission, on fait une petite flèche, le Parlement, et on essaye d'expliquer comment tout ça fonctionne. Il faut voir ce que ça signifie du point de vue du rapport entre la culture politique, l'état de droit. Et je pense que le XVIIIe siècle nous aide. Parce que le XVIIIe siècle, et notamment les philosophes sur lesquels j'ai travaillé, Montesquieu, Rousseau, essayent pour la première fois de penser l'Europe comme une entité, c'est-à-dire au-delà de la diversité des États-nations. Et ils essayent de penser un modèle de fédération, notamment, qu'on trouve y compris chez Rousseau, le grand penseur de la souveraineté populaire, lui qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale du peuple souverain, lui sur lequel nos institutions sont fondées. Lui-même croit profondément à la possibilité d'une fédération européenne si les circonstances sont favorables. Simplement, la question est de savoir comment on crée cette fédération. Alors comment ? Et alors, il y a toute une série de modèles de fédération. On a le modèle américain, on a le modèle allemand, on a le modèle suisse, on a le modèle canadien. Et on a des fédérations qui peuvent parfaitement conserver une hétérogénéité culturelle interne. C'est le cas du Canada, on a une hétérogénéité linguistique, on a une hétérogénéité des systèmes sociaux à l'intérieur, et on a néanmoins voilà, des principes fédéraux qui permettent quand même d'avoir un certain nombre de principes. Donc il faut arrêter, c'est la pauvreté de l'imagination fédérale qui m'attriste. On a de nombreux modèles qui sont disponibles dans l'histoire, c'est pas du tout des utopies, ce sont des systèmes qui fonctionnent et dysfonctionnent, mais qu'on peut essayer de faire fonctionner. Et alors pourquoi on n'essaye pas de reprendre ces modèles-là selon vous, Céline Spector ou Bernard Guetta, si vous voulez rebondir? Non, mais je crois qu'il faut bien distinguer. Je crois qu'on est encore hanté par une sorte d'imaginaire souverainiste et qu'il faut essayer, disons, d'être un peu moins dans la mythification d'une sorte de peuple homogène qui va décider de la loi. Il faut être un petit peu réaliste sur la manière dont fonctionnent les démocraties dans les pays développés. Mais c'est là-dessus que je pense qu'il y a un déficit démocratique, c'est que les peuples ne sont pas d'accord pour dire qu'ils ne voient pas leur quotidien, leur intérêt, leurs préoccupations dans des questions au pouvoir et de manière très concrète. C'est ça le problème. Alors, c'est qu'on n'est pas prêt à renoncer à cette démocratie, mais du point de vue en fait des gens au quotidien. Non, mais évidemment, il faut que l'Europe, et elle le fait, s'empare des problèmes quotidiens. L'Europe s'est emparée des questions environnementales, des questions sociétales. Elle a fait énormément pour l'égalité homme-femme. Alors nous étions du côté ouest de l'Europe déjà assez bien lotis. Mais il faut voir ce que l'Europe a fait pour les pays qui ont été intégrés après 73, 86, pour ne pas dire 2004. Si on circule en Europe, c'est phénoménal. Si on va au Portugal, c'est phénoménal. Si on va dans les pays baltes, c'est encore plus incroyable. Ça, c'est la vie quotidienne des gens. Ce sont les écoles qui sont payées par l'Europe. Les autoroutes sont toutes payées par l'Europe. Alors je vois pas ce que l'Europe ne fait pas pour le quotidien des individus. Mais je voudrais revenir au modèle démocratique. Il y a deux grands modèles de démocratie qui ont été pensés au XVIIIe siècle. L'un, celui de Rousseau, l'autre, celui de Montesquieu. Celui de Rousseau était fait pour les petits États, les petites cités-États. Donc du type ville suisse, Genève, la Corse. Ce modèle-là, évidemment, ce n'est pas le nôtre. Et le moment de la Révolution française, c'est une surprise, mais c'est un modèle de gouvernement représentatif. C'est pas du tout la démocratie rousseauiste que nous avons mise en place. Donc il faut cesser de fantasmer l'imaginaire rousseauiste qui était fait pour des petites villes. Donc ça, on peut faire de la démocratie municipale de ce genre-là. Et puis on a le modèle de Montesquieu, qui est le modèle, en effet, de l'état de droit, avec une séparation des pouvoirs, avec la possibilité de république fédérale, qui en gros a été adoptée par les constitutionnels américains en 1787, qui se sont inspirés de l'esprit des lois. Et ce modèle-là, en effet, il essaye de penser ce que c'est que la république des modernes. Une république où l'économie politique a impliqué la division du travail, où il faut professionnaliser la politique. Alors on peut continuer à délibérer dans des comités de quartier, on peut continuer à délibérer pour des budgets participatifs, mais enfin, on délègue le pouvoir, il faut l'accepter. Ça, c'est le réalisme des modernes. Est-ce que je peux juste faire une toute petite remarque sur Patrice Maniglier. Cette question de la démocratisation? Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est après la crise grecque. Moi, je dis toujours, il faut regarder l'Europe dans les yeux des Grecs d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, l'Europe a fait beaucoup de choses. Bon, par ailleurs, on est quand même dans une phase de prospérité mondiale. Faire la part de ce qui relève de l'Europe, de ce qui relève de ces processus n'est pas toujours évident. Mais il faut voir ce qu'a été quand même la crise grecque. Pour des gens comme moi, ça a été une tragédie absolue. Donc, disons, là, c'est le problème démocratique. C'est-à-dire deux fois des peuples souverains avec des mécanismes effectivement électoraux, ont exprimé leur opposition à ce qui leur était imposé, et deux fois, on les a mis littéralement à genoux. Et c'est concret, ça aussi, c'est la vie des gens. Donc, quoi qu'on dise, il faudra qu'on réponde de ça. Il faudra pas que ça se reproduise, quelque chose comme ça, quoi. Bernard Guetta. Je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Céline Spector, tellement mon accord est entier. Je rebondis sur ce que disait Patrice Maniglier sur le Parlement. Vous disiez, il ne faut pas raconter des histoires. Ça m'a un peu agacé, parce que je n'étais pas là pour raconter des histoires. J'étais là simplement pour décrire ce qui est à mes yeux la simplicité fondamentale des institutions européennes dans laquelle on trouve une chambre des États et une chambre des peuples, comme aux États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants. Loin de moi, l'idée de dire que le Parlement européen est, dans ses pouvoirs et dans son fonctionnement, la Chambre des représentants. Absolument pas. C'est ce qu'il doit devenir un jour, en mieux si possible. Mais pourquoi est-ce que le Parlement et d'une manière générale la démocratie européenne ne sont pas à la hauteur de nos attentes? Est-ce que cela relève, je ne dirais même pas d'un complot, mais d'une volonté obscure, cachée, manipulatrice, de limiter la démocratie, de limiter les libertés? Non, je ne le pense pas. Je crois que ça relève de deux choses. Premièrement, un paradoxe extraordinaire qui est que les États constituants, les 6 dès le départ, puis les 9, les 12, etc., veulent à la fois l'unité de l'Europe, le développement des institutions et des politiques communes, et refusent dans le même temps, comme appareil d'État, comme partis politiques nationaux, comme classe politique, parce que ça transcende les différences gauche, droite, extrême, tout ce que vous voulez, refuse en même temps de céder à la communauté des États la moindre parcelle de pouvoir de chacun de ces États. Et donc, il y a ces deux mouvements qui sont complètement contradictoires, totalement contradictoires, et qui amènent à une situation dans laquelle on voit beaucoup trop lentement, à mes yeux, et je suppose au vôtre aussi, se développer un Parlement européen, par exemple, dont les pouvoirs se sont considérablement accrus depuis sa création, et en même temps, le refus de donner à ce Parlement européen, le refus des États constituants de donner à ce Parlement européen les pouvoirs qu'il devrait avoir. Évidemment qu'il devrait avoir. Il n'a pas l'initiative législative. Vous avez tout à fait raison, bien évidemment. Alors, il ne décide pas du budget, parce que ce sont les États qui décident entre eux du montant de l'enveloppe globale. Mais en revanche, le Parlement peut dire oui ou non au budget une fois qu'il est présenté. Ce n'est pas complètement rien. Donc, il y a cette réticence tellement paradoxale des États. Quand vous dites État, Bernard Guetta, vous parlez des États constituants, des 28 États. Mais vous parlez des gouvernements à ce moment-là, pas forcément des peuples qui constituent chacun des pays. Laissez-moi développer. J'en venais donc au deuxième point. Il y a aussi, parallèlement, une résistance des peuples. Parce que, quand on voit se développer, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, en vérité depuis le traité de Maastricht, c'est-à-dire quasiment 20 ans, quoi, 2 décennies, que quand on voit se développer les mouvements ou partis dits souverainistes, je dis dits souverainistes parce que, à mes yeux, ces partis sont en train de faire exploser nos souverainetés. Mais c'est une autre question qu'on pourrait ouvrir tout à l'heure. Quand on voit le développement de ces partis dit souverainiste depuis 20 ans, eh bien, il faut bien constater que s'ils se développent et qu'ils ont de plus en plus de succès électoraux, pas toujours, mais enfin, grosso modo, oui, quand même, c'est que les peuples ne suivent pas. Et ne suivent pas sur quoi? Sur la logique de la communautarisation des décisions. Ils n'en veulent pas. Et ils n'en veulent... Enfin, ils n'en veulent pas. Ce n'est pas la majorité. Mais ce courant-là n'en veut pas. Pourquoi? Parce que les peuples ne comprennent pas, non pas parce qu'ils seraient stupides, pas du tout, mais parce que il y a cette situation d'obscurité dont je parlais dans le premier point, le paradoxe des États qui veulent en même temps leur unité et en même temps refusent de se dessaisir de leur pouvoir, eh bien, cela crée une situation incompréhensible dans laquelle les peuples peuvent légitimement demander, mais à la fin des fins, nom de Dieu, qui décide? On le sait en vérité qui décide, ce sont nos dirigeants élus au sein du Conseil européen. Point barre, c'est eux qui décident. Mais les peuples se demandent qui décide, parce que on ne le voit pas. Et on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que quand nos dirigeants sortent d'une réunion du Conseil européen, ou bien les décisions que vient de prendre le Conseil peuvent être populaires, et auquel cas chacun des 28 se précipite dans une conférence de presse pour sa presse nationale à chaque fois. Hein, chacun des dirigeants donne sa conférence de presse devant sa presse nationale, pas devant la presse pan-européenne, pour dire badaboum, badaboum, grâce à mes gros muscles, le Conseil européen a pris la bonne décision que je lui ai imposée. Et quand la décision prise par le Conseil est susceptible de ne pas plaire, d'être impopulaire, y compris quand le dirigeant de tel ou tel pays a voté en faveur de cette décision, il sort en disant « Pouah, cette horrible Europe, ce dégoûtant Conseil nous a imposé telle ou telle décision ». On n'explique pas, nos dirigeants n'expliquent pas le fonctionnement, n'expliquent pas la réalité, et donc une part grandissante, croissante des peuples disent « Puisque je ne comprends rien, j'en reviens et je veux en revenir aux institutions et aux fonctionnements que je connais, c'est-à-dire aux institutions et aux fonctionnements nationaux. » Donc c'est un problème plus de pédagogie, de communication. Je n'aime pas le mot pédagogie, je ne l'emploierai pas. C'est un problème de bonne foi politique. Ou de formation des peuples aussi. Mais non. C'est un problème de bonne foi politique parce que nos dirigeants, je ne dirais pas que ce sont des menteurs, bien que je le pense, mais je ne le dirais pas. Nos dirigeants, non mais je ne l'ai pas dit, hein. Bon, nos dirigeants se comportent en menteurs. Ça ne peut pas éclairer les peuples. Et encore une fois, je comprends parfaitement, bien que la dynamique m'en semble détestable et dangereuse, et formidablement dangereuse. Je comprends très très bien les électeurs qui disent « Moi j'y comprends rien, j'en reviens à la Ve République, j'en reviens à la République fédérale allemande, j'en reviens, etc., aux institutions nationales que je connais. » Bernard Guetta, vous vous présentez. Est-ce que vous pensez qu'en tant que peut-être futur député européen, vous aurez à faire ce travail de communication ou de transformation de l'intérieur, de clarification des tâches et de transmission des intérêts des peuples à l'échelle européenne? La réponse est très simple. Je l'espère, autrement je ne serai pas candidat. Je suis loin d'en être certain. Je vais essayer. Pourquoi est-ce que je suis candidat? En deux phrases. Tout simplement parce que je pense que le niveau, je l'ai dit tout à l'heure, de menaces, de dangers pesant, non seulement sur l'unité des États européens, mais sur chacun des États européens, c'est encore plus grave d'ailleurs, sur chacun des États européens, a aujourd'hui dépassé la cote d'alerte. Et que j'ai pensé à tort ou à raison que je devais passer de l'analyse à l'assaut sur la barricade, sabre au clair. Il faut défendre les choses. Je l'ai cru, je le crois. Est-ce que je serai éventré en 15 jours? C'est très possible. Je n'en sais rien. J'essaye. Patrice Maniglier, vous avez proposé tout à l'heure une position assez originale, à savoir la défense d'un relais étatique assez fort qui prendrait, on va employer un mot anglais, trailer le lead dans l'Union européenne pour promouvoir une politique européenne, pour entraîner les forces vers une démocratie peut-être plus explicite, plus forte. Et si ça n'est pas possible, vous prenez le risque qu'il n'y ait pas d'Europe et pas de démocratie européenne. Bon, Céline Spector a douché immédiatement mes espoirs, je ne sais pas. Bon, c'est pas moi qui décide du destin de l'humanité. Je dirais d'abord, démocratie, c'est une question institutionnelle, mais c'est aussi une question, on pourrait dire, disons, sociale, par ailleurs aussi une question culturelle, Et bon, on peut distinguer les différentes choses. Bon, on a beaucoup parlé de la question institutionnelle. On a parlé aussi du peuple qui peut. Alors la question sociale, et ça c'est quand même une spécificité européenne. Je disais tout à l'heure, je trouve que la difficulté aujourd'hui, c'est que le projet de la construction européenne est devenu assez difficilement discernable du projet général de ce qu'on appelle la mondialisation. Bon. Donc il faut retrouver une spécificité européenne et la faire entendre fort. Donc moi j'ai une idée très simple, je suis pas allé sur la barricade, je suis un pauvre philosophe, donc j'ai que des idées, et mon idée c'est que l'Europe, dans le contexte de la remondialisation du monde, doit être altermondialiste. Elle doit permettre justement de montrer qu'il y a différentes voies dans la mondialisation, et elle doit pas se contenter, comme je l'ai dit, d'être simplement le discours de l'ouverture des frontières. Elle doit être en même temps un discours qui consiste à dire, vous savez, la mondialisation, c'est aussi quelque chose précisément de protecteur, de riche, quelque chose qui a à voir. Alors, Bruno Latour a publié un texte qui s'appelle « L'Europe comme refuge ». Et j'aime bien cette idée. Et il fait une observation intéressante qui est de dire il y a des gens qui quittent leur terre, les réfugiés, les migrants, comme on les appelle, et il y a des gens sur le continent européen qui ont leur sentiment que leur terre les quitte. Hein et ce qu'il faut, c'est trouver une alliance entre ces deux-là, et que l'Europe pourrait être justement une manière de dire, bon, on construit des cabanes, en fait, d'une certaine manière, dans ces grands vents de la mondialisation. Et c'est ce qu'elle ne fait pas. Alors, je veux donner des chiffres qui ont été donnés par un think tank allemand, d'obédience libérale, d'ailleurs favorable à la politique d'Emmanuel Macron pour la France, et qui montre en fait ce que sont les divergences au sein de la zone euro. Il montre en fait que deux pays sont particulièrement gagnants à l'euro, qui sont l'Allemagne. Ils ont calculé que l'euro a rapporté plus de 20 000 euros par individu et par an aux Allemands et les Néerlandais. Les perdants, c'est l'Italie. Les Italiens individuellement auraient perdu 70 000 euros. Les Français qui auraient perdu à peu près 50 000 euros sur la période qui va de 1997 à 2017. Donc ce sont ces tensions-là que nous avons effectivement à prendre en charge. En d'autres termes, je dis d'ailleurs dans le livre, je dis l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Sera sociale et écologique. Et écologique, je vous remercie de m'avoir lu. Et écologique. Alors évidemment, tout le monde le dit, on a tous envie, etc. Puis on a un problème, c'est que, ben, en fait, les rapports de force, manifestement, ne le permettent pas. Et donc, c'est vrai que là, on est face à quelque chose comme une aporie, et proche d'une tragédie. Hein. Donc ça devient effectivement un petit peu inquiétant, mais j'en suis profondément convaincu. C'est-à-dire que si l'Europe n'est pas capable de montrer qu'elle peut effectivement créer des dispositifs qui protège, et qui protège pas simplement des régions de l'Europe qui perdent, les perdants, les fameux perdants de la mondialisation, mais aussi au sein de chaque État européen, les perdants. Si l'Europe n'est pas capable de faire ça, elle va de toute manière se détruire. Je me rappelle, il y a très longtemps, mon maître Étienne Balibar avait proposé avec d'autres au moment de la crise du Kosovo, de proposer la citoyenneté européenne pour la première fois comme telle, non dépendante donc des États, aux Kosovars. Ben, ce modèle-là me plaît, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle l'Europe doit justement montrer que en tant qu'Européens, vous avez des protections que vous n'avez pas autrement. Donc maintenant effectivement les rapports de force ne sont pas là, mais au niveau conceptuel, je pense que l'Europe sera un refuge. Ou alors, elle sera juste un relais, disons, néolibéral de la mondialisation. Et elle sera probablement détruite. Les contradictions et les tensions seront tellement fortes entre les États et au sein de chaque État que je crains que, effectivement, mon pessimisme, ce qu'on fait surenchère de pessimisme, c'est l'inspecteur et moi, soit encore plus grand. C'est-à-dire, effectivement, je pense que ça ne marchera pas. Y compris l'euro ne marchera pas. C'est l'inspecteur. Oui, alors l'étude du think tank allemand, elle a été très contestée, hein, faut le rappeler quand même, c'est-à-dire que faut quand même pour ce qui est guerre des chiffres, hein, on va pas rentrer là-dedans, mais évidemment ça a été très contesté. Alors moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'on peut se dire l'Europe sera néolibérale, est-ce qu'elle sera nécessairement ordolibérale parce que finalement cette idéologie de l'économie sociale de marché a triomphé. Alors, c'est en effet la grande question. Et je pense que Patrice Manigli a parfaitement raison. Hein, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous réussissons à inventer un modèle d'Europe sociale et environnementale, soit effectivement, hein, nous sommes absorbés dans une mondialisation des flux et dans ce cas, nous n'avons plus d'identité propre. Donc, je crois que le problème est parfaitement posé et c'est en effet un moment tragique, hein, au sens fort. C'est-à-dire, il y a un dilemme et il faut bien choisir. Et ça dépend pas seulement de nous les Français en tout cas, ça c'est sûr. Donc ça dépend au niveau des rapports de force, effectivement, du poids de la social-démocratie en Allemagne, ça c'est une évidence. Mais laissons de côté la question des rapports de force, je crois, et ça c'est fondamentalement un point d'accord entre nous, qu'il faut ajouter aux grands idéaux de l'Europe, c'est-à-dire à la sécurité et à la prospérité, il faut ajouter la solidarité. Et je crois qu'en effet l'Europe elle s'est constituée sur un projet de paix. Le but de l'Europe c'est civiliser la violence. C'est domestiquer la barbarie, c'est ça, hein, à l'origine. Faut pas l'oublier. Et on est un peu les enfants gâtés qui venons, voilà, nous personnellement, nous n'avons pas connu la guerre. C'était pas le cas de nos parents. Hein, donc, il faut pas l'oublier. On est les enfants gâtés de la démocratie. On se dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle fait l'Europe ? Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, la prospérité. L'Europe a apporté la prospérité. Elle l'a apportée, y compris dans les pays qui étaient déjà développés. Il y a des tas d'études, alors si on met les études, hein, alors le cas de la Grèce est très complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des mensonges d'État, enfin bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la Grèce, mais ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, la prospérité, elle a été apportée par le mécanisme de l'Union européenne. Il reste un autre idéal qui n'a pas encore été réalisé, c'est la solidarité. Et ça, c'est absolument indispensable de le réaliser, sans quoi, en effet, l'Europe se fera sans les peuples, et on ne peut pas se le permettre, c'est impossible. Et donc, pourquoi est-ce qu'on peut espérer que la solidarité puisse être érigée au titre d'idéal, disons, et avoir un peu de force normative ? D'abord, on observe dans les textes européens la montée en puissance de cet idéal. Alors, ça a été vrai, par exemple, hein, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, jusqu'à récemment. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une inflexion récente, mais l'idée de citoyenneté sociale européenne s'est imposée dans les textes. Et beaucoup de travailleurs migrants, beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas travailleurs et des chômeurs ont pu bénéficier d'une protection sociale là où ils n'en bénéficiaient pas. C'est-à-dire qu'on a obligé les États-providence à s'ouvrir à toute une série de nouvelles populations sur la base de la citoyenneté. Alors, la citoyenneté européenne protège, depuis l'arrêt, je ne vais pas rentrer dans les techniques juridiques, mais depuis l'arrêt Bombas de 2002, c'est la citoyenneté européenne qui est la base de l'obtention des droits sociaux. Il ne faut pas oublier qu'on a une charte des droits fondamentaux en Europe et que l'un des titres de cette charte, c'est la solidarité. Alors bien sûr, c'est le résultat d'un compromis, cette charte. Les Anglais ont toujours bloqué, dans toutes les délibérations, ils ont toujours bloqué la montée en puissance des droits sociaux. S'ils partent, on n'en sait rien, mais si un jour ils s'en vont, eh ben peut-être qu'on pourra faire progresser l'Europe sociale. Ce qui prouve qu'il faut diviser l'Europe parfois pour la faire progresser. Bernard Guetta, juste un dernier mot en quelques secondes. Le débat touche à sa fin. Est-ce que vous voulez dire le mot de la fin ou on reste sur ce vœu de solidarité et d'Europe refuge ? Regardons les différents États de l'Union européenne. Nulle part ailleurs, la démocratie n'y est aussi développée. Nulle part ailleurs, et certainement pas aux États-Unis. Nulle part ailleurs, la protection sociale n'y existe comme elle existe dans nos pays, et certainement pas aux États-Unis, pour ne pas parler de la Chine, de la Russie, de l'Afrique, etc., etc. Soyons conscients de ce que nous avons à défendre, et qui est évidemment incroyablement menacé par les nouveaux rapports de force qui se sont instaurés dans les années 80 entre le capital et le travail. Nous sommes aujourd'hui, collectivement parlant, y compris dans nos pays les plus conservateurs et ayant les gouvernements les plus conservateurs, nous sommes le bunker mondial de la protection sociale. Un grand merci à mes trois invités, Céline Spector. Je rappelle que de vous sur l'Europe, on peut lire Penser l'Europe au XVIIIe siècle, Commerce, Civilisation, Empire, c'est aux éditions Voltaire Foundation. Et on attend bien sûr votre livre à paraître aux éditions du Seuil l'année prochaine. Un grand merci à vous également, Patrice Maniglier. Je rappelle que vient de paraître La philosophie qui se fait, conversation avec Philippe Petit aux éditions du Cerf. Et enfin, merci à vous, Bernard Guetta. On peut lire de vous Le Tour du Monde, volume 1, l'enquête hongroise, puis polonaise, italienne et autrichienne, qui est paru aux éditions Flammarion. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Isis Jourda qui a préparé cette émission, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert et Thomas Duterre à la réalisation, ainsi que Thomas Beau. Merci à l'équipe de Radio France, Benjamin Chauvin, Virginie Noël, Adrien Landivier, Michel Gassic, Georges Thau, Mathieu Leroy, Tanguy Le Corneau, Jean-Michel Breton et Jean-Michel Desprez. Et merci à l'équipe de la Sorbonne, Anne Fréchard, Nathalie Maubray et Gilles Pécou. On se retrouve la semaine prochaine pour une série d'émissions des Chemins de la Philosophie. Adèle vous donne rendez-vous lundi pour redécouvrir une série d'émissions diffusée en mars de l'année dernière, Parlez-moi Lacan. Mais si d'ici là vous souhaitez écouter ou réécouter nos émissions, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie, mais aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram.